Toyota. Papa, quand est-ce qu'on arrive ? Bah, papa doit d'abord recharger sa voiture. Papa, quand est-ce qu'on repart ? Dans 30 minutes. C'est long d'attendre de repartir. Je sais. L'hybride Toyota, préférez l'électrique sans aucune limite. Toyota s'engage et renforce sa prime à l'hybride Toyota jusqu'à 5000 euros. Portes ouvertes ce week-end. Toyota. Offre particulière non cumulable et sous conditions de reprise. 5000 euros pour la commande d'un Toyota CHR hybride 9 jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Autres modèles et détails sur toyota.fr. Que se passe-t-il quand Marcel Pagnol écrit ? Que reste-t-il de l'enfance sous la plume musicale et ensoleillée du natif d'Aubagne ? Quand en 1957, l'homme de lettres et de cinéma redevient petit garçon, la nostalgie lui fait-il voir sa vie d'avant non pas telle qu'elle était, mais telle qu'il aurait aimé qu'elle fût ? L'enfance est loin d'être rose, même pour le narrateur de La gloire de mon père. Mais comme il le dit si bien, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Quand Pagnol écrit, on l'entend. Il a un respect des mots tels que les mots, avec lui, tout de suite, ont une couleur, ont une saveur. Oui. Quand Pagnol vous parle, il vous dit « figure-toi un peu ». Et alors le miracle de Pagnol, le miracle de son style, c'est que les mots font image, les mots, on les savoure. Les mots, c'est comme, je ne sais pas, un panaché de coquillages, ils font bonne bouche. Vous voyez, quand on écoute du Pagnol, on n'est pas seulement moralement et intellectuellement heureux, on est physiquement content. Vous voyez, le soleil est à l'intérieur des phrases, l'image est à l'intérieur des mots. C'est quelque chose de très charnel, de très ensoleillé, de très vivable. Bonjour Éric Fiat. Bonjour Adèle. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes professeur à l'université Gustave Eiffel, où vous enseignez l'éthique médicale. Et je voudrais savoir si vous êtes aussi ému que moi à l'idée de passer une heure avec Pagnol. Je crois l'être et je crains un peu de ne pas pouvoir, pendant cette émission, garder le sérieux qui, paraît-il, convient à un professeur d'université. Pagnol me fait rire mieux qu'aucun autre auteur et me fait pleurer mieux qu'aucun autre auteur. Et déjà, si je ne me contrôle, je sens que des petites larmes viendraient vite aux yeux. Merci aussi de nous avoir fait écouter un peu de Chabrier. Cette pièce s'appelle « Feuillet d'album ». Et lorsque je relis Pagnol, en effet, je profite des charmes mordorés de la nostalgie. Le pianiste, j'aime tellement la musique que j'ai envie de dire un petit mot sur l'art de ce pianiste, ralentit un peu le tempo. On appelle ça l'art du rubato en musique. Et ça vient de rubare qui veut dire voler, dérober, räuber. Il dérobe au temps qui passe quelques moments pour que le temps qui passe ne se hâte pas trop à nous conduire à la fin, c'est-à-dire à la mort. Et c'est aussi Pagnol qui me donne ça à la fin du château de ma mère. Le pianiste, c'est Ciccolini qu'on vient d'entendre. On a aussi entendu la voix d'Yvan Audouard, c'était le 15 juin 73. Yvan Audouard, donc l'homme de lettres, journaliste et dialoguiste aussi, qui rend hommage à Pagnol et les termes qu'il emploie. Et ça, c'est intéressant, on peut commencer par là. Ce sont des termes qui sont quasiment des clichés. Il parle de mots gorgés de soleil, de musique dans la langue. Or, dans le cas de Pagnol, tous les clichés sont vrais et quand même émouvants. Ça, c'est un tour de force. Mais oui, parce qu'il arrive évidemment à l'universel, comme tous les grands écrivains. Je veux vous raconter les raisons pour lesquelles j'aime tant Pagnol. Et pour cela, je dois vous faire 4-5 petites confidences, dont la première est que Pagnol, c'était pas simplement important pour moi, mais pour toute ma famille, parce que dans la bibliothèque du salon, qui n'était pas particulièrement bien achalandée, il y avait deux intégrales qui étaient l'objet d'une sorte de vénération. Il y avait La Fontaine, et c'est normal, nous vivions à Château-Thierry, et La Fontaine est née à Château-Thierry. Et puis il y avait Pagnol. Alors des volumes bleus illustrés par des dessins d'Albert Dubout. Je ne sais pas si vous connaissez des dessins si drôles d'Albert Dubout. Dans les anciennes éditions, oui. C'est ça. Et alors, ces livres étaient vraiment l'objet d'une vénération familiale. Je crois même que la ménagerie domestique participait de cette vénération. En tout cas, la chatte regardait ces livres différemment des autres. Je ne dis pas que le poisson rouge ou les perruches aussi adoraient ces livres-là. Mais enfin, dans toute la famille, on avait une vénération pour ces livres. Là, c'est mon premier aveu. Mon deuxième, mon père s'appelait Marcel. Son petit frère, Paul. Ah. Et sa petite sœur, Marie-Germaine. C'est vrai ? C'est étonnant. Mais c'est exactement comme la fratrie. Exactement comme la fratrie. Troisième aveu, et j'accrois le trouble, mon père ressemblait à Pagnol physiquement. J'ai vu des photos de mon père petit, je l'ai connu plus âgé. C'était assez troublant. Quatrième confidence, qui porte le trouble à un certain degré, mon père était instituteur. Un de ces instituteurs laïcs et même laïcistes, vous savez, héritier des hussards noirs de la République, dont Joseph Pagnol, hein, le père de Pagnol, fut l'incarnation. Est-ce assez, dites-moi, n'y suis-je point encore, ni cinquième confidence. Mon père avait fait un peu de théâtre dans sa jeunesse et se trouvait dans l'album de photos familiales, une photo de mon père dans le rôle de Topaz, avec ses cinq confidences. La première pièce écrite par Pagnol. Voilà, je suis absolument obligé d'avouer que me lie à Pagnol un lien tout à fait singulier. Je crois d'ailleurs que les livres de l'enfance sont des livres qui ont pour chacun d'entre nous un charme singulier, irremplaçable et peut-être inexplicable. Peut-être que l'un des objets de conversation, ça sera d'essayer d'expliquer la mesure de cette inexplicabilité. Avant cela, et avant qu'on entende la voix de Pagnol lui-même lire le début de La gloire de mon père, vous avez employé le terme de nostalgie. Est-ce que pour vous, c'est un terme qui explique ou qui dit quelque chose de la manière, du style de l'écriture de Pagnol dans La gloire de mon père et dans Le château de ma mère? Ah, bien sûr. La nostalgie a un charme dont il faut évidemment se méfier un peu, car le geste nostalgique est toujours précédé d'un geste d'idéalisation du passé. C'est parce que le présent ne nous convient pas que nous idéalisons un passé, que nous recomposons le passé. C'est la raison pour laquelle, évidemment, celui qui retourne à son enfance est menacé d'un menu désenchantement. L'idéalisation fomente la déception, l'enchantement prépare le désenchantement. Et il est vrai que le rapport de l'homme nostalgique à son passé et comme le dit très bien Jankélévitch, un peu le même que le rapport des parents aux enfants. Ce n'est pas parce que l'enfant est très beau que les parents l'aiment, c'est parce que les parents l'aiment qu'il devient très beau. Et de même, ce n'est pas parce que le lieu où j'ai vécu, la petite bourgade où j'ai vécu est sublime que je l'aime, c'est parce que j'y ai vécu que je la trouve très belle. La conscience nostalgique aime la passéité du passé. C'est parce que c'était lui, c'était parce que c'était moi. Et en un sens, il y a quelque chose d'incommunicable. Il le dit très bien, Jankélévitch, la nostalgie est moins purement nostalgique quand elle est celle d'un Napolitain qui a quitté les rives sublimes de Naples pour se retrouver dans la froidure et les brumes du Nord. Elle est beaucoup plus purement nostalgique quand elle est la nostalgie d'un homme du Nord qui, alors qu'il vit à Naples, regrette les brumes en question, vous voyez. Et donc, je dirais que la nostalgie, comme l'amour, est prévenante, c'est-à-dire qu'elle pare ce que l'on a envie, mais de qualités qu'il ne possède pas forcément en propre. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, les livres de mon enfance, alors, il y avait Pagnol, mais il y avait aussi un petit livre qui s'appelle « Pierrot l'ébouriffé » et puis aussi « Un bon petit diable » de la comtesse de Ségur. J'ai relu récemment « Un bon petit diable » et « Pierrot l'ébouriffé ». Et malheureusement, le carrosse est redevenu citrouille, le cocher gros rat, les chevaux souris et la robe somptueuse, des haillons couverts de cendres. Ces livres m'ont déçu. Pagnol, jamais. Plus j'avance en âge, plus je l'aime, même si je l'aime autrement que jadis. Marcel Pagnol, le micro est à vous. Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres au temps des derniers chevriers. Garlaban, c'est une tour basse de roches bleues, plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la verte vallée de l'Uvaune. La tour est un peu plus large que haute, mais comme elle sort du rocher à 600 mètres d'altitude, elle monte très haut dans le ciel de Provence, et parfois un nuage blanc du mois de juillet vient s'y reposer un moment. Ce n'est donc pas une montagne, mais ce n'est plus une colline, c'est Garlaban, où les guettaires de Marius quand ils virent au fond du soir danser une flamme sur Sainte-Victoire, allumèrent 1000 fagots qu'ils préparaient depuis le matin. Le grand oiseau rouge, dans la nuit de juin, vola de colline en colline, et se posant enfin sur la roche du Capitole, il dressa ses ailes au ciel pour dire à Rome que ses légions des Gaules venaient d'égorger dans la plaine d'Aix les 100 000 barbares de Teutobochus. Mon père était le 5e enfant d'un tailleur de pierre de Valréas, près d'Orange. La famille y était établie depuis des siècles. D'où venait-il? Sans doute d'Espagne, car j'ai retrouvé dans les archives de la mairie des L'Espagnol, puis des Spagnols. De plus, ils étaient armuriers de père en fils, et dans les eaux fumantes de Louvèze, ils trempaient des lames d'épée, occupation, comme chacun sait, noblement espagnole. Cependant, parce que la nécessité du courage a toujours été inversement proportionnelle à la distance qui sépare les combattants, les tromblons et les pistolets remplacèrent bientôt les espadons et les colichemardes. C'est alors que mes aïeux se firent artificiers, c'est-à-dire qu'ils fabriquèrent de la poudre, des cartouches et des fusées. L'un d'eux, un arrière-grand-oncle, jaillit un jour de sa boutique à travers une fenêtre fermée sur une gerbe de chandelles romaines, dans une apothéose étincelle entourée de soleil tournoyant. Il n'en mourut pas, mais sur sa joue gauche, la barbe ne repoussa plus. C'est pourquoi, jusqu'à la fin de sa vie, on l'appela l'ourousti, c'est-à-dire le rôti. C'est peut-être à cause de cet accident spectaculaire que la génération suivante décida, sans renoncer aux cartouches ni aux fusées, de ne plus les garnir de poudre, et ils devinrent cartonniers, ce qu'ils sont encore aujourd'hui. Intéressant de voir que les premières descriptions employées par Pagnol au début de la gloire de mon père sont des descriptions d'armes à feu, au fond de fusils, si bien que le portrait qui est dressé semble prendre un détour pour mieux arriver au personnage du père, qui est l'héritier de tout cela, et qui tranche d'ailleurs avec les deux premiers paragraphes « Je suis né dans la ville d'Aubagne », et le deuxième mot c'est quand même « Garlaban », c'est une énorme tour de roche bleue plantée au bord du plan de l'Aigle, cet immense plateau rocheux qui domine la vallée verte, la verte vallée de l'Uvonne. Autant dire qu'on est d'abord en géographie, ici, il y a la géographie et il y a l'histoire, c'est comme si Pagnol procédait en instituteur avec son lecteur. Éric Fiat. Ah oui, c'est tout à fait juste. Il y a quelque chose qui me fait sourire, je ne saurais pourquoi l'expliquer, c'était Garlaban. Il y a une espèce d'évidence qui nous est affichée ici, et je crois que le charme de l'écriture de Pagnol tient aussi à cette façon de revisiter des évidences. Pendant toute l'œuvre, me semble, et c'est ça qui fait, je crois, que je peux relire cette œuvre tout en continuant de l'admirer, c'est qu'il y a un mélange d'humour et d'ironie. D'humour et de bonté. D'humour et de bonté. Il me semble que c'est qui rend indémodable cette œuvre, c'est que Pagnol y pratique deux vertus que je crois essentielles, l'humour d'une part et la bonté d'autre part, qui se surveillent l'une l'autre. Car la bonté de Pagnol empêche son humour de dégénérer en ironie, et l'humour de Pagnol empêche sa bonté de dégénérer en niaiserie. Et le regard qu'il va avoir sur son père, en effet, qui va hériter de cette arme, parce que la gloire de mon père, c'est l'histoire d'un homme qui devient un chasseur, alors qu'il n'était pas doué pour ça, et qui réussit le coup du roi, le regard qu'il a sur son père est en effet imprégné d'humour et de bonté. Je crois important de distinguer entre l'humour et l'ironie. Oh, je ne vais pas les séparer selon un cadastre trop bien découpé. D'ailleurs, Jean Kelevitch, dans son livre sur l'ironie, nous parle d'une ironie humoresque. Cependant, il me semble qu'il faut les distinguer dans la mesure où, là encore c'est du Jean Kelevitch, l'ironie, c'est la patience d'un dieu déguisé en mendiant. Il tient sous ses haillons l'épée dont il vous transpercera. Alors que l'humour, lui, est un éternel vagabond. Il n'oppose pas une force à une force, mais à la force, le doute et la précarité. Alors, je ne dirais pas qu'il y a une méchante ironie et un bon humour, mais je maintiendrai leur distinction pour ce que l'ironie est impitoyable, alors que l'humour est miséricordieux. L'ironie blesse et l'humour guérit. L'ironie peut tuer, alors que l'humour aide à vivre. Et le regard, en effet, de Pagnol sur son père et surtout les personnages dont il parle est matiné de cet humour généreux qui, à chaque fois, me touche énormément. Mais il oscille entre les deux parce que, alors est-ce que le terme d'ironie s'emploie? Mais il dépeint, enfin, toute la gloire de mon père est le récit d'un enfant qui découvre que son père n'est qu'un mortel parmi les autres, n'est qu'un humain et pas un surhomme, le surhomme qu'il voudrait qu'il soit. Et il le découvre à l'occasion d'une partie de chasse où son oncle Jules est bien meilleur que son propre père. Et de peur que son père se fasse humilier par l'oncle Jules, comme son père est un instituteur, il est respecté par tout le monde, il ne survivrait pas à cette humiliation, eh bien le jeune Marcel va courir derrière eux sans se faire voir. Il n'a pas le droit d'aller avec eux, ils partent très très tôt le matin. Et c'est grâce à lui, c'est grâce au narrateur donc, qu'on va découvrir que le père de Marcel a réussi à tuer deux Bartavelles, et on voit le petit garçon qui brandit ainsi les deux Bartavelles. C'est véritablement la gloire de mon père. Les descriptions employées par le narrateur sont certes peut-être celles de l'humour, mais on n'est pas loin de l'ironie. Il y a quelque chose d'assez féroce, il y a quelque chose qui brise le cœur du lecteur lui-même lorsque les portraits sont dépeints de son père et de son oncle, comme Améric Fiat. L'humour a un faible pour ce qu'il raille. Hein. Oui, c'est ça, il y a de la raillerie un petit peu. Il y a de la raillerie, mais il y a en même temps une faiblesse à l'endroit de ce qui est moqué. Il y a une bonhomie, en effet, dans l'écriture de Pagnol, mais cette bonhomie, c'est pas l'attendrissement de la première naïveté qui ferait que Pagnol continuerait à admirer son père malgré les failles paternelles. Je dirais que la bonhomie de Pagnol, c'est une tendance qui est mûrie par le travail de la raison, par cette raison analytique et lucide qui révèle les ridicules, les médiocrités du père, et qui cependant continue d'aimer. Alors en effet, il y a deux passages absolument extraordinaires où il aime son père malgré son ridicule. Ouais. Alors il a tué les Bartavelles, c'est-à-dire qu'il a réussi le coup du roi. Parce qu'il en a tué deux. Voilà, c'est deux d'un seul coup. C'est presque impossible. C'est presque impossible. Et le petit Marcel, qui est le rabatteur non su du père et de l'oncle, arrive. Il les a tués, toutes les deux, il les a tués. Et dans mes petits poings sanglants dont pendaient quatre ailes dorées, je haussais la gloire de mon père en face du soleil couchant. Ça veut dire que cette gloire a besoin d'être haussée, elle ne le saurait elle-même. Puis l'autre moment extraordinaire, c'est que le curé va proposer à Joseph Pagnol de le photographier avec les Bartavelles et puis Marcel. Et alors, il devrait refuser, parce que Pagnol raconte qu'un jour, un instituteur collègue de Joseph, je ne sais plus son nom, Monsieur Arnaud, voilà, est arrivé à l'école avec une photo de lui avec un énorme poisson. Et le soir, Joseph dit, mais vraiment, on peut être fier de pêcher un poisson, mais quand même, se faire prendre en photo avec un poisson, quel ridicule, la vanité est le pire de tous les vices. Et voilà que il devrait refuser cette proposition du curé en raison de son anticléricalisme. D'autant voilà qu'il déteste les curés. Bien sûr. Un anticléricalisme forcené. Et en raison de son humilité. Ouais. Voilà deux raisons qui devraient le faire refuser. Et il accepte finalement la photo. Et ça donne. Alors, il y a deux photos, il y a deux épreuves. Et le soir à la veillée, Joseph caresse les cheveux de son fils et dit : puisque nous avons deux épreuves, j'ai bien envie d'en envoyer une à mon père pour lui montrer comme Marcel a grandi. Vous voyez le prétexte. Le petit Paul battit des mains et moi j'exclatais de rire. Oui, il était tout fier de son exploit. Oui, il enverrait une épreuve à son père et il montrerait l'autre à toute l'école, comme avait fait Monsieur Arnaud. J'avais surpris mon cher surhomme en flagrant délit d'humanité. Je sentis que j'en aimais davantage, alors je chantais la farandole et je me mis à danser au soleil. C'est bouleversant de voir ce petit garçon qui aime d'autant plus son père que celui-ci lui apparaît fragile. Mais c'est là tout le génie de Marcel Pagnol que je voudrais essayer de comprendre avec vous, Éric Fiat, c'est qu'il, dans La gloire de mon père, il se passe très peu de choses. Cet épisode de chasse, au fond, n'est qu'un souvenir parmi tant d'autres. Nous avons tous vécu des choses beaucoup plus fortes qu'une partie de chasse. Et pourtant, il arrive en quelques centaines de pages à raconter ce presque rien qui fait tout. Comment fait-il ? Est-ce que ça, c'est du génie ? C'est du talent ? C'est son style ? Quel est le secret de la gloire de mon père ? Je pense que l'hypothèse faite par un ami très cher de Pagnol, à savoir Albert Cohen, vous savez, l'auteur de Belle du Seigneur, de Manche-Clou, des Valeureux, est peut-être tout à fait juste. Parce que Albert Cohen racontait que Pagnol était la réincarnation provençale de Virgile. Dans la mesure où ils apprenaient le latin ensemble, d'ailleurs Pagnol a été le traducteur de Virgile et il lisait Virgile dans le texte. Et Pagnol, en effet, ce qui fait qu'on n'est jamais lassé par une histoire qui ne raconte pas grand-chose, c'est ce classicisme du style qui s'est vu très très tôt, parce que Pagnol, à 14 ans, écrivait des poèmes d'amour pour ses petits copains du petit lycée, comme on disait à l'époque, et notamment pour Albert Cohen. Albert Cohen avait déjà des histoires d'amour, mais ne se sentait pas très poète. Et Pagnol composait des poèmes à la manière de Virgile, et il faut absolument que nos auditeurs retrouvent l'apostrophe consacrée par Bernard Pivot à Albert Cohen, où Albert Cohen parle de son petit copain, et il cite un poème qui avait été écrit par Pagnol pour Cohen, pour que Cohen le dise à sa bien-aimée. Et le poème, je l'ai sous les yeux. « J'aurais voulu savoir manier le burin, rendre vivant le marbre ou l'albâtre fragile, ou d'un pouce savant modeler sur l'argile, ou graver finement les médailles des reins. Je n'aurais pas sculpté Jupiter souverain, ni Phébus Apollon, ni le cheval nerveux qui frémit sous le frein. Non. Ce que j'aurais fait, c'est ton visage clair, rayonnant de beauté, ton visage pervers et puéril de femme. Et dans mon œuvre, j'aurais mis toute mon âme pour l'imposer splendide à l'immortalité. » Et ce poème-là, Cohen l'a appris par cœur pour le dire à la jeune fille qui l'aimait. Eh ben, va écouter la voix de Bernard Cohen. D'Albert Cohen, pardon, c'était pas chez Bernard Pivot, mais c'était une archive du 1er janvier 1976. Ah. Il révèle, ben, je crois, un secret qui le liait à Marcel Pagnol. Écoutez. Et Pagnol était mon ami d'enfance. J'ai fait mes études au lycée de Marseille. Et lui aussi a fait ses études. Lui était demi-pensionnaire parce que, comme fils d'instituteur, c'était gratuit pour lui. Je le revois avec un tablier affreux, tout déchiré, entrant toujours en dribblant, parce que c'était un passionné du football. J'ai été son mécène à Pagnol. Je lui donnais une rente, il avait une pension de moi, c'était un franc, chaque lundi. Quelquefois j'oubliais, et comme il avait très besoin de ce don hebdomadaire, si le lundi j'avais oublié, le mardi il venait, mais par pudeur il me demandait le franc en allemand, Albert meine Rente. Ça a été mon meilleur ami. Je suis un peu mort avec lui depuis qu'il est mort. Voici que pour la première fois, si je ne compte pas quelques modestes essais, j'écris en prose. Ce qui m'effraie, ce n'est point tant le choix des mots ou des tournures, ni les subtilités grammaticales, qui sont finalement à la portée de tout le monde, mais c'est la position du romancier, et celle, plus dangereuse encore, du mémorialiste. Il est bien difficile de parler de soi. Tout le mal qu'un auteur dira de lui-même, nous le croyons de fort bon cœur. Tout le bien, nous ne l'admettons que preuve en main, et nous regrettons qu'il n'ait pas laissé ce soin à d'autres. Dans ses souvenirs, je ne dirai de moi ni mal ni bien. Ce n'est pas de moi que je parle, mais de l'enfant que je ne suis plus. C'est un petit personnage que j'ai connu et qui s'est fondu dans l'air du temps, à la manière des moineaux qui disparaissent sans laisser de squelette. D'ailleurs, il n'est pas le sujet de ce livre, mais le témoin de très petits événements. Ce n'est plus Rému qui parle, c'est moi. Par ma seule façon d'écrire, je vais me dévoiler tout entier. Et si je ne suis pas sincère, c'est-à-dire sans aucune pudeur, j'aurais perdu mon temps à gâcher du papier. Il va donc falloir sortir des coulisses et m'asseoir en face du lecteur qui me regardera fixement pendant 2 ou 3 heures. Voilà une idée bien inquiétante et qui m'a longtemps paralysé. Cependant, j'ai examiné l'autre face de la question. Le lecteur, je veux dire le vrai lecteur, est presque toujours un ami. Il est allé choisir le livre, il l'a emporté sous son bras, il l'a invité chez lui, il va le lire en silence, installé dans le coin qu'il aime, entouré de son décor familier. Il va le lire seul et ne supportera pas qu'une autre personne vienne lire par-dessus son épaule. Il est sans doute en robe de chambre ou en pyjama, sa pipe à la main. Sa bonne foi est entière. Ça ne veut pas dire qu'il aimera ce livre. Il va peut-être à la 30e page hausser les épaules, il va peut-être dire avec humeur « Je me demande pourquoi on imprime de pareilles sottises ». Mais l'auteur ne sera pas là, et il n'en saura jamais rien. « France Culture, les chemins de la philosophie, Adèle Van Rett. Je suis un peu mort avec lui depuis qu'il est mort, disait Albert Cohen dans l'archive que nous avons entendu, une archive donc qui date de 1976, dans lequel il employait ce mot de pudeur, mot que l'on retrouve dans l'avant-propos de La gloire de mon père que vous venez d'entendre, Éric Fiat, lu par Georges Claes. C'est absolument bouleversant d'entendre ce Marcel Pagnol, qui est donc déjà connu, il le dit bien, il a déjà inventé le personnage de Rému, tout ému lui-même de parler à la première personne du singulier, de dire « je », et de vouloir d'établir une sorte de pacte de sincérité avec son lecteur. Il y a presque du Rousseau ici, et il lui dit « être sincère », c'est-à-dire sans aucune pudeur. Et pourtant, le texte de La gloire de mon père, du château de ma mère, le temps des secrets, le temps des amours, n'est que pudeur, Éric Fiat. Je pense que je parlais de l'humour et de la bonté, mais voilà une autre vertu que notre auteur du jour pratique mieux qu'un autre. Là encore, la pudeur est la vertu des classiques. Les romantiques font de la moindre amourette l'occasion de dire « je t'aime à en râle mourir ». Il y a une démesure, une hubris romantique là où, chez les classiques, on ne dit pas « je t'aime » mais « va, je ne te hais point ». Et chez Pagnol, c'est dans Marius, lorsque Marius veut dire à son père qu'il l'aime, et c'est pas facile de dire à son père qu'on l'aime, surtout quand le père est joué par Rému, qui n'a pas exactement les traits de ce qu'on appelle aujourd'hui un papounet, hein. Eh bien, il lui dit, tu sais, papa, oui, je t'aime bien. Et ce petit bien, c'est toute la pudeur. Il faut cependant dire les choses, à savoir que le ver de la mort était déjà présent dans les fruits des jardins de l'enfance. Et que si Pagnol, en effet, nous fait sourire lorsqu'il nous raconte son enfance, eh bien, nous fait souvent pleurer, puisque c'est des paysages avec des figures absentes, puisque la mère va disparaître, le petit Lily, et puis le frère Paul. Il faut à la fois dire les choses et en même temps ne pas les dire. Eh bien, la vertu qui utilise la litote ou l'euphémisme est en effet la pudeur. Le pacte avec le lecteur. Alors, évidemment, il y a une interview de Pagnol où il dit « j'ai eu l'impression de raconter les choses comme elles s'étaient passées ». Puis il ajoute « pourtant, elles n'ont pas dû se passer comme cela, parce que vous lisez en deux heures les événements de deux ans ». Et il ajoute « en tout cas, ce qui est rigoureusement exact, ce sont les détails ». Peut-être que l'ensemble ne l'est pas tout à fait. Alors là aussi, c'est une litote, un euphémisme et une forme de pudeur. Pagnol est un conteur de génie. Et vous savez que tout conteur vit au profit de celui qui l'écoute. C'est-à-dire qu'il ajoute une tour au château, qu'il oublie un détail, qu'il en ajoute autre. Mais je pense que il est quand même fidèle à ce pacte-là, parce que c'est un mensonge qui dit la vérité. La Fontaine, hein, j'évoquais la proximité dans la bibliothèque familiale de La Fontaine et de Pagnol. La Fontaine dit quelque part « qui mentirait comme Ésope ou comme Homère ?» Un vrai menteur ne serait. Le doux charme de mensonge, par leur bel art inventé, sous les habits du mensonge, nous donne la vérité. Et je crois que Pagnol, en effet, toute sa vie et dans toute son écriture, ne nous ment pas, mais parfois nous donne des fictions si belles à entendre que nous les accueillons avec gratitude. Mais oui, à tel point qu'on se demande pourquoi il a besoin de dire et d'insister sur sa propre sincérité, au fond. Est-ce qu'on attend d'un auteur qu'il nous dise la vérité? Non, on attend qu'il nous émeuve, qu'il nous fasse ressentir des choses, qu'il nous fasse penser à notre propre enfance. Mais il est étonnant de voir que Pagnol lui-même, dans cet avant-propos, alors, fasse cet aveu de pudeur, au contraire, c'est très touchant, mais insiste pour dire qu'il ne dit que la vérité, qu'il sera en tout point sincère. Au fond, on peut lire un ouvrage sans comparer à la vie de l'écrivain, non? Bien sûr, mais Pagnol avait, à cet âge-là, le besoin en tout cas d'une certaine véracité, sinon d'une certaine vérité. Je sais pas si vous vous souvenez d'une des toutes dernières interviews de François Mitterrand. Il était très malade et El Kabbach lui demande pourquoi il a accepté de dire des choses qu'il avait longtemps cachées. Vous savez, Vichy, le cancer, Mazarine. Et il avait répondu à bout de voix, vous savez, je suis devant des échéances qui ont un certain rapport avec la vérité. Alors il n'a pas dit « je suis devant des gens », ce qui oblige à la vérité, parce que en disciple de Machiavel, il sait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Mais j'ai envie de mettre sur le même plan un peu ces deux obligations internes de dire une certaine vérité. Oui, mais plus précisément, quand on parle de l'enfance, peut-on jamais dire la vérité sur notre enfance ? Est-ce que l'enfance que nous avons vécue, ce petit témoin dont parle Pagnol, ce témoin de très petits événements, n'est-il pas toujours la rencontre entre des souvenirs et notre imagination ? C'est toujours bien le sûr. Moi que l'on aurait aimé être et pas celui qu'on a vraiment été. Bien sûr, mais il l'avoue très clairement dès le début. Hein. Il ne prétend en rien redevenir l'enfant qu'il fut. Il le cherche par l'écriture. Et c'est ce qui donne justement à... C'est ce qui fait qu'on peut lire cette œuvre à plusieurs niveaux pendant toute sa vie. Puisque il est parfois, en effet, il coïncide presque avec l'enfant qu'il fut. Et parfois, c'est un adulte qui regarde l'enfant qu'il fut. On peut lire en 4 ou 5 heures le résumé d'une dizaine d'années. Il y a certainement beaucoup de choses qui m'ont déplu dans mon enfance. Celles-là, je les ai oubliées. Je n'ai jamais dit que mon père m'avait donné parfois des gifles fort méritées. Mais je ne me souviens pas à quelle occasion ni quand. Je ne me souviens que des bons moments de ma jeunesse, de mon enfance plutôt, du temps où la vie était tellement plus facile qu'aujourd'hui. Et moins encombrante, en somme. Parce qu'on n'avait aucune inquiétude. N'est-ce pas ? On savait que demain serait comme hier. Vous me direz qu'alors, ça veut dire qu'il n'y avait pas de progrès. Si, il y avait un progrès lent. Mais par exemple, quelqu'un qui avait un salaire était sûr de vivre avec ce même salaire jusqu'à la fin de ses jours. Tandis qu'aujourd'hui, on ne sait jamais ce qui se passera le mois prochain. Ce qu'il y a de bien dans mon livre, pour ceux qui n'ont pas vécu cette époque, c'est ce qui les étonne, c'est précisément cette stabilité, c'est cet équilibre d'une année sur l'autre, jusqu'en 1914. Jules va à la messe. Et alors ? Tous les dimanches, je sais. Mais tu sais pas tout. Il communique deux fois par mois. Quoi ? Un homme qui entre dans notre famille, un homme de 37 ans, et qui a fait son droit, hein ? Un fonctionnaire de la République. Joseph, déjà que t'as pas voulu entrer dans l'église le jour de leur mariage. Oh ! Jules pourrait se fâcher et il défendra à Rose de nous fréquenter. Voilà ! Voilà l'intolérance de ces fanatiques. La voilà ! Est-ce que je l'empêche, moi, hein, d'aller manger son Dieu tous les dimanches ? Est-ce que je te défends de fréquenter ta sœur parce qu'elle est mariée à un homme, pourtant instruit, qui croit que le créateur de l'univers descend en personne tous les dimanches dans 100 000 gobelets? Eh bien, tout à l'heure, lorsque votre Jules arrivera pour déjeuner, je lui montrerai ma largeur d'esprit. Je le ridiculiserai par mon libéralisme. Et je ne lui parlerai ni de l'Inquisition, ni de tous ces malheureux que l'Église envoya au bûcher. Et je ne dirai rien des papes empoisonneurs Borgia, ni de la papesse Jeanne. Et même, tiens, même s'il essaye de me prêcher les conception puérile d'une religion aussi enfantine que les contes de ma grand-mère, je lui répondrai poliment et je me contenterai de rigoler doucement à ma barbe. Mais il n'avait pas de barbe et il ne rigolait pas du tout. Un des passages les plus réussis de La gloire de mon père, c'est donc ce père instituteur qui déteste l'Église, qui parle de cette trinité atroce qu'est l'Église, l'alcool et la royauté, et qu'on entend dans cet extrait du film. J'en profite pour rendre hommage au film d'Yves Robert, hein, qui était sorti en 1990 et qui a permis à des générations d'enfants nés dans les années 80 de découvrir le texte de Pagnol. J'en fais partie et je trouve ces films-là réussis. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, je les aime bien. Forcément, quand on aime autant le livre, la comparaison s'arrête là, mais c'est une entrée dans l'œuvre en tout cas. Il y a juste après le passage que vous venez d'évoquer, il y a un passage merveilleux où Pagnol dit qu'il ne détestait rien tant que la bénédictine de Fécamp, qui était un flacon qui unissait ces trois vices abhorrés que sont l'alcool, parce que ils sont hygiénistes, ces instituteurs, donc il ne faut pas boire d'alcool, le christianisme, ce sont des bénédictines, et puis la royauté, parce que dessus, c'est écrit avec privilège du roué. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, ça. C'est ça, et ces descriptions de l'instituteur renvoient à une époque particulière, et là je fais référence à l'archive de Pagnol qu'on a entendu juste avant, c'était en 1964, qui disait bien, mais dans La gloire de mon père, ce qui plaît aussi, c'est cette stabilité d'une époque que ceux qui vont lire le livre aujourd'hui n'ont pas connu. Et là, alors on est au-delà de la nostalgie de l'enfance, on est dans la nostalgie peut-être d'une époque qui forcément a changé et qui semble avoir été meilleure que celle qui est en train de vivre Pagnol. Peut-être, oui. Est-ce que cette époque était vraiment meilleure? Bon, c'est pas le Pagnol que j'aime le mieux, vous voyez, celui qui là encore cède à ce geste nostalgique qui le conduit à idéaliser le passé. Et puis, je le répète, cette œuvre est à la fois drôle mais profondément tragique. Hein. Mm-hmm. Et il en va de celui qui se retourne vers son passé comme du Baudelaire, vous savez, qui a longtemps vécu sous de vastes portiques que les soleils marins teignaient de mille feux, mais qui, à la fin du poème, nous dit que des esclaves nus, tout imprégnés d'odeurs, n'avaient d'autre soin que de comprendre le secret douloureux qui me faisait languir. Et dans cette œuvre-là, le passé n'est pas que l'objet d'une idéalisation et d'une vénération, car Pagnol nous y avoue ce travail souterrain de la disparition, de la tristesse et de la mort. Tout en jouant aussi, c'est ça qui est merveilleux. À propos de dans quelle mesure est-il sincère ou pas? Je répète, Pagnol ne prétend pas redevenir l'enfant qu'il fut, puisque très vite il nous montre cet enfant comme un peu menteur, un peu farceur, un peu vantard. La vanité ne se trouve pas que chez son père, le ridicule ne se trouve pas que chez son oncle, elle se trouve aussi en lui. Et il est impossible au fond de redevenir l'enfant qu'on a été. L'enfant est pur du fait qu'il ne sait pas l'être, et s'il le savait, il cesserait immédiatement de l'être. Vous voyez, la pureté est contemporaine de l'inconscience de soi-même. Très vite, Pagnol prend conscience de ses propres vanités, de ses propres ridicules, de ceux des autres, et il apparaît à ce moment-là sur son front la première ride sur le front lisse de l'innocence, la première ombre sur le lin immaculé de la pureté, comme dit Jean Kelevitch. On ne refait pas l'innocence avec les moyens de la chute, si vous comprenez notamment quand il rencontre ce personnage d'Isabelle, dont il devient fou amoureux et qui le manipule comme un chien, littéralement. Et là, on se rend compte qu'il grandit à ce moment-là. Il comprend qu'il y a quelque chose dans le rapport premier et naïf aux individus qui ne peut plus être de mise. Oui. Avec Isabelle, en effet, qui se moque de lui, on a affaire à une scène, enfin, qui, à mon avis, dit autant de choses vraies et belles sur la passion amoureuse qu'un amour de Swann. Hein. C'est une femme qui n'était pas son genre, qui ne lui plaisait pas. Et pourtant, pendant toute la passion qu'il éprouve pour Isabelle, il oublie Lily et Paul. Ce qu'il y a de bouleversant, c'est que l'amitié, qui comme chez pas mal d'écrivains de l'époque, apparaît comme un sentiment plus pur que l'amour, n'est-ce pas? L'amitié qu'il a pour le petit Lily des Bellons est sacrifiée sur l'autel de la passion. Et la passion amoureuse est plus une passion qu'un amour, car comme toute passion, elle suppose une sorte d'ensorcellement de la faculté de juger, une sorte de réduction du monde à un seul objet. La passion n'est pas qu'un désir très intense. Passion, si elle est fidèle à son origine étymologique, hein, patior, subir, souffrir, pathos, la maladie, la souffrance, la passion est toujours liée à quelque chose comme un ensorcellement du jugement qui fait qu'on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, mais telles qu'on aurait aimé qu'elles fussent. Et alors la scène est bouleversante où il se rend compte qu'elle lui a menti sur toute la ligne. Hein. Et puis surtout là, on voit Albert Cohen, la belle du Seigneur, qui pointe son nez. Ah oui. Puisque Isabelle, non seulement lui a menti, elle n'est pas la noble. Mais elle a la colique. Mais en plus, elle a la colique. Elle a la colique. Et alors, elle lui a menti, en effet, elle n'est pas la princesse qu'elle a prétendu être. Il voit un bulletin. Alors, il arrive chez elle, il n'y a personne. Et il y a un bulletin qui montre qu'elle n'est pas dans la classe dans laquelle elle prétend être. Et puis, il remarque à ce moment-là que la maison est très désordonnée et très sale. Et il entend des bruits étranges venus des toilettes. Elle a la colique. En effet, c'est un peu Belle du Seigneur. Belle du Seigneur. D'Albert Cohen, Un amour de Swann de Marcel Proust, Le temps des amours, Le temps des secrets de Pagnol, qui songe dans les milieux universitaires et intellectuels à mettre ses livres au même niveau. Ben oui, d'ailleurs. Assez peu de nos collègues. Est-ce que Pagnol est étudié à l'université? Non, absolument pas. Il est même l'objet d'une sorte de mépris. Je me souviens, mais je ne voudrais pas monopoliser le peu de temps qui nous reste avec des souvenirs trop personnels. J'ai enseigné en terminale avant d'enseigner à l'université et un jour je vois arriver une élève, j'étais prof de philo en terminale, que j'aimais beaucoup, les larmes aux yeux, parce que la professeure de littérature lui avait dit « Quoi, à ton âge tu lis encore du Pagnol ?» Et je m'étais senti investi d'un devoir de croisée pour défendre Pagnol auprès de cette collègue sans beaucoup de réussite. Et ça, vous l'expliquez comment ? C'est parce que c'est un auteur pour enfants, c'est ça ? Et les adultes peuvent pas le lire ? C'est du snobisme ? Bon, il y a déjà cela. Et puis, il y a ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire ce soupçon de régionalisme, les mots gorgés de soleil. On a fait un peu le même coup à Giono. Non, ces deux écrivains sont deux écrivains majeurs du XXe siècle. Et ce qu'ils disent est absolument universel, hein. La passion amoureuse, la relation au père, la relation à la mère, le rapport à la mort. Oui. Tout cela est dit chez Pagnol et chez Giono, comme chez les plus grands écrivains. Mais en effet, voilà, on a voulu les considérer un peu comme par trop méridionaux. Giono se défendait en disant « Il n'y a pas une seule cigale dans mon œuvre. Ce que j'aime, c'est le Hovard. » Et c'est vrai que l'œuvre de Giono est moins prisée que celle de Cohen, parce que Giono regarde avec ses yeux bleus le mal en face, si vous voulez. Le Cohen ou que Pagnol ? J'ai dit. Vous avez dit Cohen. Je voulais dire Giono. Pagnol. Je m'y perds un peu. Giono. Giono est moins prisé que celle de. Giono est moins méprisé que Pagnol. Que Pagnol, voilà. Car Giono est un auteur métaphysique. Ouais. Il regarde le néant en face. Le Moulin de Pologne, Un roi sans divertissement, ça plaît à l'université puisque ça part d'une formule de Pascal. Non, Giono est plus méprisé, je ne comprends pas ce Pagnol méprisé. Est plus méprisé. Oh mon Dieu, je n'y arrive pas. Et bien, on va passer au Château de ma mère, justement, parce qu'on a parlé de la gloire de mon père, le Château de ma mère et le volume qui suit. On y fait la rencontre donc de Lily, le meilleur ami de Marcel. Marcel qui devient amoureux des montagnes, littéralement, qui demande à ses parents de pouvoir y retourner chaque semaine, hors ses 4 heures de marche, avec le petit Paul à la main et le bébé, la petite sœur, qui a un prénom, mais très très tard, dans les bras de la mère. 4 heures de marche donc, jusqu'à ce qu'il rencontre un fameux Bouzig, qui est un ancien élève du père de Joseph, qu'il va permettre à la famille de prendre un raccourci en passant par les canaux. Il est piqueur des canaux, c'est-à-dire qu'il a une clé qui lui permet d'accéder de propriété en propriété et ainsi de faire passer la famille, de faire gagner 2 heures de route à la famille. Ce volume-là est tout aussi bouleversant. On y retrouve le personnage de la mère avec toute la tendresse et l'idéalisation justement du narrateur envers sa mère. Et ce texte-là se termine sur un passage qui semble contredire tout ce qui a été dit juste avant, puisque vous allez entendre ce qu'est la dernière phrase, ça a été la première phrase de l'émission, et il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants, et pourtant, en quelques lignes, le narrateur dit tout. Écoutez. Le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie comme l'eau celle des moulins. 5 ans plus tard, je marchais derrière une voiture noire dont les roues étaient si hautes que je voyais les sabots des chevaux. J'étais vêtu de noir et la main du petit Paul serrait la mienne de toutes ses forces. On emportait notre mère pour toujours. De cette terrible journée, je n'ai pas d'autre souvenir, comme si mes 15 ans avaient refusé d'admettre la force d'un chagrin qui pouvait me tuer. Pendant des années, jusqu'à l'âge d'homme, nous n'avons jamais eu le courage de parler d'elle. Puis le petit Paul est devenu très grand. Il me dépassait de toute la tête. Et il portait une barbe en collier, une barbe de soie dorée. Mais il avait gardé ses yeux d'enfance, d'un bleu clair, dans un beau sourire. Sur les collines de l'Étoile qu'il n'a jamais voulu quitter, il menait son troupeau de chèvres. Et chaque soir, il s'endormait sur le gravier de la garrigue, roulé dans son manteau de laine et la corde du bouc attachée à son pied. Il s'éveillait avec le jour, et le poids du sommeil avait imprimé sur sa joue quelques grains de genièvre ou le dessin d'un épi de lavande. Il fut le dernier chevrier de Virgile. J'allais le voir souvent dans son royaume des solitudes. Je le cherchais dans les ravins et dans les gorges, guidé souvent par le son lointain de son harmonica, parfois au printemps par l'odeur du bouc, toujours par ma tendresse fraternelle plus sûre qu'un pendule de sourcier. Je lui apportais les choses des villes, une ceinture de cuir, une pipe, une montre, un couteau de berger. Alors, pour me remercier, Il me nommait les plantes, les sources, les étoiles, et me dénonçait des échos. Mais à 30 ans, dans une clinique, il mourut. Sur la table de nuit, il y avait son harmonica. Mon cher Lily ne l'accompagna pas, avec moi, au petit cimetière de la Treille, car il l'y attendait depuis des années, sous un carré d'immortels. En 1917, dans une noire forêt du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie, et il était tombé sous la pluie, sur des touffes de plantes froides dont il ne savait pas les noms. Telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. Telle est la vie des hommes, quelques joies très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants. On est ici à l'opposé de ce que disait Roald Dahl hier, par exemple, ou la comtesse de Ségur lundi. Il faut dire la cruauté, il faut dire la douleur, il faut dire la mort. Pagnol dit qu'il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants, et pourtant, Éric Fiat, il vient de le faire. Et pourtant, il le dit. En deux paragraphes, c'est... tout le monde meurt. Eh oui. C'est évidemment bouleversant. En plus, on entend le mouvement lent du concerto en sol de Ravel, qui est très bouleversant également. Cependant, vous voyez qu'à un certain moment, on entend la flûte, puis le hautbois. Et c'est comme si ces personnages morts revivaient un peu. Un des plus beaux moments de la littérature, c'est, je trouve, la préface que Michelet a donnée à son histoire de France. Vous savez, il se promène dans le cimetière du Père Lachaise et il dit « Beaucoup qui méritaient un souvenir reconnaissant n'ont généralement que l'oubli en partage. Ils flottent un temps dans la mémoire, puis disparaissent dans le même gouffre. » Et il se sent à ce moment-là le devoir, comme historien, de faire revivre les morts. Et il dit que l'histoire, c'est cette magistrature qui est plus sûre que nos tendresses oublieuses et nos larmes vite séchées. Pourquoi l'histoire ? Et pourquoi pas la littérature ? Parce que Pagnol, grâce à ses chefs-d'œuvre dont nous parlons ce matin, fait revivre en quelque chose Lily des Bellons, son frère, sa mère et son père. Et si malgré tout on arrive à surmonter le chagrin qui pourrait nous tuer et tuer votre voix comme la mienne, c'est parce que Pagnol nous donne ce que j'appellerais le charme de l'avoir été. Il nous parle de la fuite du temps et nous sommes tous désespérés de perdre les nôtres et un jour de devoir mourir. Et vous savez que dans une certaine tradition philosophique, qui n'est pas du tout la mienne, on dit que pour remédier à cette fuite du temps, il faut saisir le jour. C'est le fameux carpe diem, vie au présent. Un livre qui m'a beaucoup amusé a trouvé à Carpe Diem un épigramme intéressant. L'épigramme de Carpe Diem, c'est déprimant, quelque chose comme ça. L'anagramme, vous voulez dire. L'anagramme, j'ai dit, ça me déprime. Et en effet, il faut être très déprimé pour penser qu'il faut vite saisir le jour avant qu'il ne disparaisse. Non. Ce que je joue et ce que Pagnol m'invite à jouer, c'est le futur antérieur. Bien sûr, cela n'est plus. Mais cela aura été. Et pour l'éternité. Pour l'éternité, Lily aura joué avec Marcel. Pour l'éternité, le père de Marcel aura été ridicule et glorieux. Pour l'éternité, sa maman aura été fragile et forte à la fois. C'est le charme de l'avoir été, le charme du futur antérieur. Voilà comment on peut se sortir d'une émotion. C'est ce qui justifie la littérature. Mais voilà. C'est d'un côté... Toute la littérature est là pour ça. Le carpe diem qui est vivre intensément et profiter de chaque instant, et de l'autre, le ça aura été qui conduit, qui invite à l'écriture, à la consignation, à la conservation c'est de ça. Ce qui a été. Voilà. Et il me semble que... Ce qui voudrait dire que les écrivains ne sont peut-être pas des jouisseurs. Ils peuvent l'être par ailleurs, mais en tout cas, il ne me semble pas que le désir de jouir au présent conduise aux plus belles et aux plus grandes. Et aux c'est une vraie question. Hein. Grandes... Oui, c'est une grande question, oui. Là, vous m'invitez à revisiter toute ma librairie, comme disait Montaigne. Je crois en effet que je vais vers... Grand jouisseur pourtant, Montaigne d'ailleurs. Oui, vers ces livres-là. La magistrature qui permet en effet... Il y a en tout homme quelque chose qui mérite de ne pas mourir. Chaque homme l'être un petit bien, dans chaque âme, à côté de choses vulgaires, méprisables, il y a quelque chose d'individuel qui ne revient pas au même et qu'il faut en essence garder. Et nous avons rendu hommage, nous faisons, Pagnol fait réexister tous ces personnages morts, et en un sens, je fais réexister un peu mon père, vous voyez. Parce qu'il invite tout un chacun, et là cette fois je m'adresse même aux auditeurs, à suivre la voie tracée par Marcel Pagnol dans ce texte, non seulement dire « je », il ose le faire alors qu'il est pudique, mais aussi parler de son enfance, parce qu'au fond, il y a une philosophie derrière ce que vous dites, enfin un parti pris philosophique, ça aura été, et je serai le gardien, le témoin de ce qui a été, alors écrivons et écrivons ce que nous avons vécu. Oui, tout à fait. La fidélité à l'enfance me paraît un devoir éthique. Jean Kélévitch dit quelque part que le sérieux se tient à juste distance, à égale distance du tragique et du dérisoire. Or, il me semble que si l'on se veut sérieux toute sa vie, et c'est-à-dire si l'on veut faire oublier l'enfant qu'on fut, eh bien, on va avoir une vie qui va nous divertir de ces deux choses essentielles de l'existence que sont le tragique et le dérisoire. On finira sa vie comme Ivan Ilitch. Vous vous souvenez de l'Ivan Ilitch de la nouvelle de Tolstoï, La mort d'Ivan Ilitch, qui justement toute sa vie s'est voulu sérieux. Résultat, il est très malheureux, très fatigué, il souffre atrocement, il va mourir. Et voilà ce qu'écrit Tolstoï, si ma mémoire est bonne. Après de longues crises douloureuses, Ivan Ilitch aurait voulu qu'on le prît dans ses bras, qu'on le consolât comme un petit enfant. Mais il n'avait pas le droit, car il était un homme de justice. Il avait envie de pleurer, et voilà qu'entre dans la chambre un collègue, Chebec, et Ivan Ilitch commande par inertie le dernier avis de la Cour de cassation. Il est passé à côté de ce qui fait, à mon avis, l'essence de l'homme, c'est-à-dire que nos vies sont à la fois dérisoires et tragiques, tragiques et dérisoires. Toute anthropologie un peu sérieuse doit être tragicomique. C'est la proposition que je fais pour terminer notre entretien. Une anthropologie pas sérieuse, considérer le tragique et le comique comme des choses pas sérieuses quand on est en philosophie. Non. Voilà pourquoi, en effet, Fernandel, ouais, c'est du tragicomique, et Rému, et Chaplin, leur maître à tous. José Garcia, aujourd'hui, vous voyez, le tragicomique, voilà ce qui nous dit la vérité de l'humaine condition. Merci Éric Fiat. Et pour lire La gloire de mon père et le château de ma mère, on peut le faire dans des éditions, celles que vous avez sous les yeux, qui sont anciennes et magnifiques et qui sentent bon le papier des années 60. Mmh. Ou bien, les éditions de Fallois proposent des nouvelles éditions, avec une nouvelle couverture et des dessins de Sempé. Ils sont magnifiques, donc lisez dans l'édition que vous voulez. On se quitte avec Barbara qui chante, elle aussi, Mon enfance. J'ai eu tort, je suis revenue dans cette ville au loin perdue où j'avais passé mon enfance. J'ai eu tort, j'ai voulu revoir le coteau glissé le soir, bleu et gris, ombre de silence. Et j'ai retrouvé comme avant, longtemps après, le coteau, l'arbre se dressant. Comme au passé, j'ai marché les tempes brûlantes, croyant étouffées sous mes portes, les voix du passé qui nous hantent et reviennent sonner le glas. Et je me suis couchée sous l'arbre, c'était les mêmes odeurs. Et j'ai laissé couler mes pleurs. J'ai mis mon dos nu à l'écorce, l'arbre m'a redonné des forces, tout comme au temps de mon enfance. Et longtemps j'ai fermé les yeux, je crois que j'ai prié un peu, je retrouvais mon innocence. Avant que le soir ne se pose, j'ai voulu voir la maison fleurie sous les roses. J'ai voulu voir jardin où nos cris d'enfants jaillissaient comme source claire. Jean-Claude et Régine et puis Jean, tout redevenait comme hier. Le parfum lourd des sons. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver la question philo d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes tes cours de philo ? C'est vraiment très enrichissant. Ça me demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Aujourd'hui, votre question est, peut-on légitimement faire une lecture triomphaliste de la théorie de l'évolution ? Alors j'étais confortablement installé dans mon lit quand j'ai tendu le bras pour attraper mon mug et j'ai été émerveillé soudain par le fonctionnement de mon squelette. Plus exactement, par la façon qu'avait mon poignet de conserver la même orientation, la bonne, celle qui ne renverse pas le café, que ce soit là-bas tout au bout de mon bras sur l'étagère ou ici, près de ma bouche, j'ai compris, en cet instant, pourquoi nous avions deux os plutôt qu'un seul dans nos avant-bras. L'espace d'un instant, j'ai vu, à travers mon bras, j'ai visualisé ces os parallèles comme une itération biologique d'un mécanisme universel, celui de ma lampe de bureau ou des amortisseurs de ma Bugatti en Lego, celui du bras d'une excavatrice ou du contrepoids d'une Steadicam. J'étais soudain dans le paradis esthétique, décrit par Kant dans la critique de la faculté de juger, dans cet état de confusion, de trouble, de double vue artistique qui consiste à prendre un objet de la nature, mon avant-bras, pour un artefact technique et à considérer en retour tous les artefacts techniques pour des constructions naturelles. Bref, j'étais très excité et je n'avais pas encore bu mon café. Oui, c'est bien de rappeler que la finalité de tout ça, c'est quand même de boire votre café. La finalité, c'est exactement le concept qui m'est apparu. Ce que nous explique Kant, c'est que si le bon fonctionnement de mon bras n'a pas pour finalité dernière de me permettre de paresser au lit pour y boire mon café tranquille, il est cependant naturel d'y croire un petit peu malgré tout. Car il est dans la nature humaine de réintroduire de la finalité dans les choses qu'on observe et d'y trouver un certain plaisir. J'ai ainsi, sans renverser une seule goutte de café, fait fonctionner mon bras deux ou trois fois pour la seule beauté du geste, en accompagnant ce mouvement d'un petit bruissement robotique joyeux. Et oui, j'étais vraiment satisfait de la manière dont les bras humains avaient été conçus. Je ne sais pas pour vous, d'ailleurs, mais je ne peux pas manipuler un tournevis sans imaginer que je suis un cosmonaute en pleine mission cruciale, scruté depuis la Terre par une salle de contrôle qui retient son souffle en me guidant pas à pas. On parle de degré de liberté en mécanique pour décrire le spectre d'action d'un objet, mais mon fantasme, dès que je manipule quelque chose, c'est de n'avoir aucune liberté, d'être entre les mains du démiurge endormi sous le cap Canaveral, de rêver que j'ai été créé pour remplir cette mission précise. Bon, est-ce que ce café, il est bu maintenant ? Non, pas encore, car j'ai été pris de scrupules à l'instant décisif. Est-ce que ce concept de finalité que je contemplais là, dans mon bras nonchalant, ne tenait pas du créationnisme ? À force d'admirer la façon dont mon bras se conformait à une fonction précise, est-ce que je n'avais pas fini par croire que le mug m'attirait à lui, me dictait ma conduite, que ce n'était pas moi qui le tenais, mais lui, comme le dieu de Michel-Ange qui me tendait son anse créatrice, mon bras était enfin justifié. Après des millions d'années de chaos, l'évolution tendait enfin vers une fin. Il s'en passe des choses quand vous buvez un café, Aurélien. Bon, donc à la question, peut-on légitimement faire une lecture triomphaliste de la théorie de l'évolution ? Votre réponse est peut-être, mais un triomphe ambigu, parce qu'au fond, c'est pas vraiment la théorie de l'évolution qui triomphe ici, c'est plutôt son rival, le créationnisme. Sauf, et je m'en suis sorti comme ça, car ce café, il fallait bien que je finisse par le boire, qu'il y avait bien un objet légitimement créé dans l'équation, ce mug, et que ce n'était pas mon bras qui s'y conformait, mais lui qu'on avait patiemment conçu, selon les normes ambiguës de l'intelligent design, pour que l'illusion soit parfaite. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Et un grand, un immense merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour à préparer cette émission. Aujourd'hui, c'était Manon de la Selle avec Clara de Giovanni, Avril Poignant-Legoff, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. À la réalisation aujourd'hui, Nicolas Berger et Esther Valensic. À la prise de son, Ludovic Auger. À la lecture des textes, Georges Kless. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui, chaque vendredi, vous le savez, donne la parole à ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Eh bien, demain, nous serons en compagnie de la philosophe, donc, Catherine Larère. D'ici là, pour réécouter cette émission sur Marcel Pagnol ainsi que toute cette série autour de l'enfance en littérature, la Comtesse de Ségur, Roald Dahl, le petit Nicolas et donc Pagnol aujourd'hui, bien c'est très facile, vous vous rendez sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien vous pouvez vous abonner au podcast afin de télécharger cette émission pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe vous donne également rendez-vous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter. On est toujours ravis de lire vos commentaires. À demain, 10h, d'ici là. Restez à l'écoute sur France Culture. Et maintenant, vous pouvez reprendre vos livres et lire car l'émission est terminée. Au revoir.